Naleli Afrika na musika e. Onga naleli moka. Na deleli bakaka bondi melanga iye. Oye pote na longa. Na kembo yanza mbi. Na isi pena suri. Mizika Afrika fana kwena kwa la beka ina. Afrika uchelele mama. Kilimanjaro kukosa miku. Machine, eh. kumbalabi tosala kobonie ona nini na mokilia yotozali basusu bazuaka basusu kaka na mpasi basusu na mawa basusu ndena bisengo injustice oyo euta wapi na kwa mitu na kanalembi kwa minyo kwa ma na kobelela ona lembi die nzambe asala mokili pa moto nyonso azala ere kasibisa batoneto ye kodebisa likolo ya likunya kiwelawela songi songi zuwa temomekano bo Moto na chance na ye, moto na ta. belle rose, sèche tes larmes, écoute-moi. Ma femme rose, oh rosa, je vais te parler. Ma femme rose, oh rosa, peux-tu m'écouter? C'est pour notre avenir. Nous nous sommes mariés officiellement. Nos deux familles réunies, c'était charmant. Aujourd'hui, rosa, ça fait longtemps. Ça fait si longtemps que je t'attends. Oh rosa, rosa, je t'aime tant. Je voudrais de toi beaucoup d'enfants. Rose et rose, mamie, rose et rose, oh rosa. Je ne veux plus te quitter, rose et toi, mon amour. Tu es celle que j'ai choisie et pour toujours. Seras-tu vraiment fidèle à moi? Je voudrais être rien qu'à toi. Je voudrais être rien qu'à toi. Chouchou, n'allez plus. Yeah. chérie, pour nous que ça fait la paix. Moi, mère, doudou. Moi, mère.